périphérie, on appelle les ligaments périphériques, sont périphériques à l'articulation, le LLI, ligament latéral interne, collatéral médial, le LLE ou ligament collatéral latéral. D'accord ? Ça, c'est périphérique. Le pivot central, c'est les croisés. Ils sont croisés, d'accord, sous forme de croix. Le LCA, ligament croisé antérieur, et le LCP, ligament croisé postérieur. C'est le pivot central, on l'appelle pivot central. Donc, cette articulation qui est superficielle, il n'y a que la peau qui recouvre cette articulation, c'est une articulation profonde, elle porte le corps. Elle est très instable. Cette instabilité est due à la forme des os qui forment cette articulation, à savoir les tibiaux qui sont asymétriques, et les condyles qui n'ont pas la même forme, les courbures qui ne sont pas donc symétriques aussi. Comme ça, c'est instable. Donc ça peut se déplacer à tout moment. Donc comment cette articulation peut rester stable et maintenir le corps? C'est grâce à ces éléments de stabilité qu'on va voir. On va étudier leur lésion. Donc le genou donc, est formé par l'extrémité distale du fémur et l'extrémité proximale du tibia. C'est les pattes au tibio. Les pattes au tibio reposent sur un tissu spongieux, très fragile. D'accord. Un tissu spongieux, c'est comme l'éponge, c'est pas comme les papilles corticales qui sont dures et résistantes. Là, c'est l'épiphyse, c'est un tissu spongieux. Les deux conduits fémoraux, ça, par exemple ici c'est le péroné, donc ça c'est le condyle latéral, c'est le condyle médial, aussi c'est du tissu spongieux, mais il est plus résistant par rapport au plateau. En cas de fracture des plateaux, c'est les condyles qui viennent s'enfoncer dans les plateaux et provoquer des fractures. Ici c'est les ménisques, c'est les fibrocartilages qui viennent agrandir et participer à la stabilité du genou. D'accord, on va voir tout ça, ici c'est les épines. Et voyez, donc le LLE, ou ligament collatéral latéral, il est extra-articulaire, donc il n'est plus adhérent à la capsule, donc il s'insère sur la tête du péroné vers le conduit latéral. Le médial, il est intra-articulaire, il est adhérent à la capsule et au ménisque médial. Donc en blanc, nous avons rappelé à l'anatomie les entorses du genou, système ligamentaire périphérique, le pivot central, lésions initiales et les fractures du genou. Fracture d'extrémité interne du fémur, fracture d'extrémité supérieure du tibia et fracture de rotule qui fait partie de l'appareil extenseur. L'appareil extenseur du genou, donc il permet l'extension du tibia par rapport au fémur. C'est comme le coude, l'appareil extenseur du coude, donc il permet d'étendre l'avant-bras sur le bras et de former du triceps dans le tricipital et dans les crânes. Ici, il est formé par le quadriceps avec son pôle dans le quadricipital, la rotule, le tendon rotulien et la tête. Donc toute fracture transversale ou horizontale de la rotule va interrompre cet appareil extenseur. D'accord? Ça montre la gravité de la lésion. Donc anatomie. Donc, le genou, c'est une articulation mobile et non congruente. Donc nécessite des moyens de stabilité. Ça va être donc les cales. Donc les deux ministres sont comparés à des cales humaines. Les camions citernes qui vont stabiliser cette articulation. Donc les cales, c'est les ménisques. Les moyens de stabilité donc passifs, c'est les éléments capsulaires, périphériques qui sont faux. Les ligaments, ce sont des faisceaux, membres, des tissus fibreux, très résistants et sensibles qui unissent les os entre eux et donnent une stabilité aux articulations. Les éléments périphériques, le LLE, collatéral, latéral et médial. Et les ligaments centraux, c'est les ligaments centrales. Les éléments de stabilité actifs, donc actif, le verbe actif, ça bouge. C'est les muscles. D'accord? On a les muscles en avant. En avant, c'est le quadriceps. On a vu c'est le quadriceps avec ses extensions. Il y a des extensions au-dessus de la rotule qui part en avant. Des extensions latérales croisées qui proviennent du quadriceps. On a en médial les muscles de la padoie. D'accord? Il y a trois faisceaux à doigts. C'est comme une padoie. C'est ça, ça part qui fait comme ça. Ça ici une padoie. Donc on a le droit interne, le demi-pendineux et le couturier. Pour les reins. Le couturier, il vient suturer tout le quadriceps, le couturier, comme ça. Donc on a quadriceps, pas de doigt, et en interne, on a le patella qui s'insère sur un tubercule, ici le tubercule du jambi, qui stabilise en externe. Donc, vaste externe, avec le fascia rata, c'est la ponémose la plus résistante, et c'est cette sûreté de cul du genou. Donc ici, on a le droit, le fascia rata avec son muscle verbeux, le tenseur de fascia rata, et le droit quadriceps avec ses extensions, donc directes et croisées, qui vont stabiliser, coller la rotule et stabiliser le genou. D'accord ? On va voir que ces extensions vont former des ailerons. Les ailerons, c'est comme des ailes qui partent donc, de la rotule vers le fémur et vers les ménisques qui stabilisent la rotule. En cas de fracture transversale, si ces ailerons sont intacts, il n'y a pas de déplacement. S'ils se déchirent, il y aura un déplacement avec l'ascension des deux femmes. Donc c'est important des ailerons chirurgicaux. On a vu le quadriceps et les tenseurs fasciaux latéraux. Le fascia rata et la paroi, en arrière, on a les muscles ischio-jambiers vers le haut et vers le bas, les gastrocnémiens ou les genoux. Donc, ça, c'est les éléments sur les adultes, donc l'articulation avancée. Donc, les muscles en arrière, les ischio-jambiers et les genoux qui viennent donc recouvrir sa articulation en arrière et renforcer et stabiliser sa articulation. En avant, le quadriceps avec ses extensions. Donc ici, le fascia rata, ici la paroi. Donc c'est un élément actif qui stabilise l'articulation. Encore. Donc, c'est une articulation donc non congruente, stabilisée par des éléments passifs et des éléments actifs. Elle est formée donc de trois compartiments. Le compartiment fémoro paternaire, la rotule, le compartiment fémoro-tibial médial, le fémoro-tibial latéral, trois compartiments, donc deux articulations ganglionnaires et une articulation procléenne. Donc, le fémur avec les deux ganglions, le tibia, la fémoro-paternaire et la fémoro-ganglionnaire. Donc, fémoro-tibial plutôt interne et externe. Donc biomécanique, donc il y a des sollicitations mécaniques très élevées au niveau du genou, surface non compactante, donc on a vu que ces deux surfaces ne sont pas symétriques, donc le plateau tibial est plus ou moins horizontal, le plateau externe est convexe dans le plan antérieur, l'externe est plus évasé par rapport au médial, les deux contours ne sont pas symétriques, les deux courbures ne sont pas les mêmes, celui-là est plus évasé en externe. Donc tout ça fait qu'ils ne sont pas concordants. Donc surface concordante, articulation superficielle. Il n'y a pas de muscle, de gros muscle qui recouvre cette articulation, elle est superficielle. Donc sujet à des traumatismes fréquents. Système donc ça, pour qu'elle soit stabilisée, donc il faut qu'il y ait un système surfacé, la vue, c'est le système central et périphérique, ainsi que les éléments actifs. Donc une pourtant grande stabilité, en particulier en extension, quand on joue en extension, c'est bon, il est stable. D'accord ? En flexion, donc on peut faire, il est plus ou moins instable, donc sa stabilité, c'est de bien musculaire. Donc grande stabilité, en particulier en extension, grande mobilité en flexion. Donc en flexion, je peux faire la flexion qui des fois dépasse 150, 160, l'extension donc à 0, et quelques mouvements rotatoires, d'accord ? C'est au niveau du genou, c'est pas la rotation au niveau de la cheville. Et il n'y a pas de mouvement de valgus ou de valgus quand on est en extension. On dit que le genou est verrouillé. Il est verrouillé. Bon. C'est bon, on ne bouge plus. Il n'y a pas de mouvement de latéralité en extension. Donc, grande mobilité en flexion, autorisant la course. 2 degrés de liberté, donc flexion, extension, extension, flexion, et peu de rotation en flexion. Donc, peu de rotation, 10 degrés à peu près. Et pas de rotation en extension. Ah oui, extension, c'est bon. Je ne peux pas faire des rotations. On dit que le genou est verrouillé. Les entorses du genou, donc, une entorse, c'est un étirement ou une déchirure d'un ou de plusieurs ligaments d'une articulation. Il se manifeste par uniquement une douleur vive avec sensation de craquement. Craquement, on veut dire qu'il y a une déchirure, il y a un lâchage. Donc, les ligaments. Le gonflement articulaire, c'est le marquage, c'est les branchements sanguins rapides et la difficulté à bouger, c'est l'importance fonctionnelle. Donc, l'articulation, la difficulté de bouger l'articulation, sont les principaux signes de l'entorse. Donc, douleur vive, sensation de claquement, gonflement articulaire et importance fonctionnelle. l'examen clinique, donc fait du diagnostic. On a un nouveau genou avec l'hématome et franchement articulaire, mais franchement ça. Le contexte, bien sûr, traumatisme sportif, traumatisme de cheveux, accident domestique, tout ça, et le geste, donc en général, c'est des mouvements anormaux, soit rotatoires, soit un shoot dans le vide, quelqu'un qui reçoit un ballon, essaye de frapper le ballon, donc qui rate le ballon, un shoot dans le vide, donc c'est un traumatisme direct, peut, on va voir, peut créer des lésions ligamentaires. Laxité dans le plan frontal, donc on va étudier les éléments périphériques. Donc entorse ligament collatéral médial, donc douleur spontanée à la palpation du trajet ou insertion ligamentaire. Donc à la fin, on ne comprend pas la partie médiale, il y a une douleur réveillée à la palpation donc du trajet ligamentaire. Discrète laxité très douloureuse dans le plan frontal en extension. Donc celle-là, on ne peut pas la faire quand le genou est bien de, quand le patient vient de faire une entorse. On a un gros genou enflé, donc chaud, on ne peut pas le faire du test ligamentaire parce que ça réveille une douleur atroce. Sauf si on anesthésie le membre ou on anesthésie le patient, on peut vérifier donc les points anormaux. Mais en général, le départ en urgence, c'est après avoir refroidi l'articulation par des moyens physiques, le glaçage, donc la surévention, les traitements anti-inflammatoires, qu'on va réexaminer le patient dans 10-15 jours et qu'on va retrouver cette laxité, soit en varus, soit en valgus. Donc laxité frontale en extension, en valgus. Ça, c'est tout le LLI. En faisant le genou en extension, et en faisant un valgus, on va retrouver un bâillement médial, donc qui sous-entend une atteinte du ligament collatéral médial. Une entorse donc, du LLI en valgus, ici en valgus, douleur spontanée à la palpation du trajet ligamentaire, discrète laxité très douloureuse dans le plan frontal en extension, donc en varus. En varus, donc une varus et un ballon en externe. Monsieur, oui. Monsieur, vous comparez la part des chevrons parce que bénit et malin, c'est le ballon. Quand il y a un baillement important, ça veut dire qu'il y a une rupture, et une rupture totale. Mais quand il y a juste une douleur, pas de déplacement important dans l'arbus ou en vagus, ça peut être une rupture partielle, ou même des fois une petite élongation du ligament. Comme c'est la clinique, qui sera confirmée par on va voir. Donc, lésion du LCA, on va passer ici au pic central. Principalement du LCA. Ça se voit dans les accidents sportifs, dans le ski, le judo et le football, donc des traumatismes rotatoires. Par exemple, le footballeur fait une rotation externe, donc rotation donc, externe violente, ou un skieur qui fait une chute, le pied est bloqué, il fait une rotation externe, ou un shoot dans le vide, quelqu'un qui reçoit le ballon et shoot dans le vide. Cette extension brutale, donc le LCA est là. Donc quand on fait une extension brutale, c'est l'échancrure qui vient rompre le LCA. Le LCA, on va découvrir comme ça. Quand on fait l'extension, c'est cette donc arête très tranchante qui vient rompre le LCA. Mettez-les votre téléphone, s'il vous plaît. Donc, il y a une triade pour retenir. Une lésion des LCA, c'est la triade du vécu. Elle est caractéristique. Quand le patient rapporte une douleur avec craquement, un épanchement articulaire rapide, et le patient ne peut plus continuer le match. Ces trois signes évoquent une lésion du LCA. On l'appelle triade du vécu. Il faut la retenir. Donc ici, on a une rupture partielle du LCA. Ici, on a une rupture totale avec un mouvement d'avoine. Et cliniquement, on va retrouver, donc en rotation interne, en rotation externe, un tiroir. Donc en prenant le genou, fléchi à peu près entre 70 et 90. On fait un tiroir, on va trouver que le tibia, le plâtre tibial, va se déplacer de façon anormale en avant. D'accord ? Il y a d'autres explorations, donc qui sont plus spécialisées. Donc tiroir antérieur et triade du vécu qui font le diagnostic d'une rupture du LCA. Ici c'est schématique, donc on a le LCA, on a une rotation interne, vous allez rapidement, allez-y. Ici, le LCA est normal, puis il est distendu, puis il y a une rupture, puis il y a du sang, puis il y a du sang encore, puis c'est le marquage. Donc, rupture et marquage. Ici, on va passer au LCP. Le LCP, en général, le ligament croisé postérieur, qui se rend. Le LCA, normalement, c'est le shoot dans le vide, l'extension plus tard, et mouvement rotatoire. D'accord ? Pour le LCP, pour qu'il y ait rupture du LCP, il faut un choc antéro-postérieur. il faut que le type IA passe en arrière pour qu'il arrache l'insertion, soit proximale, soit distante. C'est le syndrome Pavlov-Bohr, on a vu la dernière fois, donc il passe en racine, s'échange le Pavlov-Bohr sous le type IA, fait reculer le plateau et rentre le ligament croisé postérieur, soit à son insertion distale, soit en insertion proximale. Cliniquement, on va reculer un tiroir postérieur dans un cousin. Le tibia en arrière, il y a un mouvement anormal qui se sous-tend une rupture de la tibia. Donc, choc plus violent d'avant en arrière, ça tombe pas encore. Et puis, il y a des lésions d'association. Lésions du LCA avec lésions miniscales, d'accord, c'est la triade. Avec lésions du LLI, donc ligament collatéral médial, c'est l'antéro interne. La triade antéro externe, c'est lésions du LCA avec le LLE et le ménisque externe. Les triades postérieures, donc antérieur c'est le LCA, postérieur c'est le LCP, avec le LLI et LLI c'est postérieur interne, avec le LLE et le ménisque externe c'est postérieur externe. Les pentades, je ne vais pas noter parce que c'est plus spécialisé, pentade veut dire les deux ligaments croisés plus un élément périphérique plus les coques combinées postérieures. Donc c'est pas la peine de. Donc, pour les entorses, la radiographie de face du genou, de profil du genou, va rechercher un arrachement ligamentaire ou arrachement du massif des épines. Donc, quand c'est central, c'est un arrachement pré-spinal ou rétro-spinal. Quand passé des épines, c'est le problème, c'est le LCP. Et périphérique, c'est pour les ligaments collatéraux et périphériques. Arthrite de Peyronie, par exemple, un arrachement ici pour le LLE, partir du second pour le LLE. C'est des signes indirects. Donc, l'entorse grave. L'IRM, donc c'est elle qui fait le diagnostic, pose le diagnostic exact et précis des lésions ligamentaires et les stages et les contusions au second. Par exemple, ici, elle nous montre bien les deux faisceaux du LCA, antéromédial et postéromatéral, ainsi que le LCP. Donc ils se croisent, donc on croit. Ici, c'est le LCP, ici, c'est le LCA. Le LCA, on ne le voit plus. Il n'y a plus cette tonalité noire, donc il est rompu. Le traitement des entorses. Donc, il y a un traitement d'urgence quand ça vient d'arriver. Donc, on a dit qu'il faut refroidir l'articulation et essayer une cicatrisation spontanée. Le but, c'est de supprimer la laxité et l'instabilité, rendre un genou mobile et stable et indolore, éviter la dégradation des éléments ménisqueux et cartilagineux. Pourquoi dégradation des éléments ménisqueux et cartilagineux? Parce que si on laisse un genou instable, le patient a fait une entorse, on l'a refroidi par des éléments physiques, massage, immobilisation, surélévation, traitement anti-inflammatoire, le genou s'est refroidi, mais ça persiste une laxité périphérique ou centrale. Cette laxité, donc, elle va, le fait que le patient, à chaque fois, il dérobe à la descente, le genou lâche, il fait une chute, donc on va patient, le genou il lâche, à chaque fois, il fait des entorses à répétition et des mouvements de tiroir. De ressort à répétition, il va user le cartilage, il va léser les ménisques et ça va passer à d'autres éléments ligamentaires. Si il y a une rupture du LCA, il risque de faire des lésions ménisquales internes et externes, puis LCP. D'accord ? Donc il faut stabiliser le genou pour éviter la dégradation vers d'autres éléments de stabilité. Les moyens, traitement médical, anti-inflammatoire et antalgique, traitement physique, poche de glace, kinéphysiothérapie, la visée antalgique et les polyvures contre le derme et le branchement, traitement orthopédique des artères et immobilisation pour immobiliser pour essayer de cicatriser donc, ces éléments capsules ligamentaires, immobilisation favorable donc, à la cicatrisation, et traitement chirurgical, s'il y a une laxité secondaire, réinsertion ligamentaire pour les éléments périphériques, les éléments centraux, une réinsertion c'est aléatoire. Donc, c'est abandonné, il n'y a plus d'eau, réinsertion du LCA, du LCP. Il faut faire des placés, il faut remplacer les éléments centraux. D'accord? Donc, réparation ménisquale, ligamentoplastie, réinsertion ligamentaire. Donc, reposer l'articulation, poche de glace, politique contre l'entorse, contention par une attelle jugulaire, surélévation du membre et une attelle. Ça, c'est les moyens donc, physiques et orthopédiques. Les moyens chirurgicaux, donc suture ligamentaire pour les éléments périphériques. Réinsertion ou réinsertion ou ligamentoplastie, par exemple ici, on prend le tiers moyen du tendon rotulien, on creuse un tunnel dans le même trajet du LCA et on va passer ce greffon dans ce tunnel pour reconstruire un LCA. Donc, place. C'est bon. Pour les lésions ligamentaires, il n'y a pas de question. Donc on va passer aux lésions mixtes. Donc on a vu que les deux hélices. Donc on a l'hélice interne et l'hélice. L'hélice interne en forme de croissant. L'hélice externe est presque fermée. C'est presque petit et c'est presque un long. Des fois, il est discoïde. C'est presque un disque. D'accord ? C'est l'état qui permet donc de stabiliser le genou et de diminuer le frottement. C'est bon. Et pour la mobilité, qui permet le glissement des deux condyles fémoraux sur le plateau. D'accord ? L'anatomie mixte, les nerfs mixtes latérales, ce sont des fibres au cartilage en forme de croissant. Ils reposent sur le surface articulaire de l'extrémité supérieure du tibia. Donc, il augmente la concordance entre les cavités, donc l'énoïde et les condyles fémoraux. On a dit qu'ils sont asymétriques, qu'ils sont non concordants. Donc, ces structures vont augmenter dans la congruence articulaire. Mécanisme des lésions ligamentaires, donc choc en hyperflexion et ou en rotation. Donc, un choc rotatoire ou en hyperflexion. Donc, le patient fait une flexion rapide parce que quand on fait des mouvements de flexion-extension, on a dit que les deux ménisques suivent le mouvement. Ils vont glisser avec les deux condyles. D'accord ? Ils suivent les deux condyles pour épouser cette forme asymétrique avec les deux glènes tibiales. Si on fait un mouvement brutal rapide, donc les deux condyles vont bouger plus rapidement que les deux ménisques. Qu'est-ce qui se passe ? Le ménisque va se coincer entre le condyle et le plateau. Et il sera écrasé par le condyle, et on a une lésion méniscale. Donc, un mouvement brutal d'hyperflexion, de rotation, fait que les ménisques ne suivent pas le mouvement du fémur, on s'est coincé entre ces deux os, et ce clinique, donc on aura un point douloureux à l'intérieur articulaire, soit externe, soit médial. Sensation de dérangement articulaire, le patient toujours ressent qu'il y a quelque chose, un corps étranger en articulaire. Et blocage articulaire. Des fois, il y a une languette. Il y a une languette qui se croise avec le procédé de distraction. Quand il y a une rupture, une déchirure, cette déchirure se complète et il y aura une languette détachée comme ça. Cette languette vient dans l'espace de mouvement du condyle. Et va provoquer une raideur articulaire, un blocage articulaire. Donc le genou, le patient ne peut plus ni fléchir ni étendre le genou. Donc ça provoque un blocage articulaire et c'est ce blocage qui dure. C'est pas comme le blocage articulaire d'une luxation ou subluxation de rotule. Là, c'est un blocage qui dure des heures et des jours. Donc ça se sent dans les lésions ménisquales. Des fois, on a une lésion qu'on appelle une lésion en anse de saut. Voici le ménisque. Donc, soit des lésions radiales, intraminiscales ou ouvertes de l'articulation, soit des lésions qui détachent des languettes, soit en anse de saut. Donc, toute une partie se détache en médial et sera bloquée dans l'échancre. On va la retrouver quand on ouvre l'articulation. On va retrouver un fragment dans l'échancre, ici. Une partie du ménisque reste périphérique et une partie, donc luxée dans l'échancre, on dit baiser en anse de saut. En anse de saut, c'est le bras du saut. D'accord ? En anse de saut. Donc on a dit point douloureux à l'intérieur, sensation de dérangement capsulaire, blocage articulaire vrai et formation ici, orbitée ou externe, et flessant ou égale vitesse positive. C'est des tests, donc on fait le passement d'équibutus ventral, on prend donc le talon et on fait des mouvements de compression et mouvement rotatoire, rotation interne donc pour le ménisque externe, rotation interne pour le ménisque et rotation externe pour le ménisque interne. C'est des manœuvres qui démontrent le siège exact de la lésion ménisquale. L'imagerie, donc c'est l'art quotidien, ou mieux l'IRM, qui va nous montrer des lésions, donc méniscales, périphériques ou centrales, avec ou sans pulsation. Le traitement en général sacroscopique, donc par deux points, on introduit une caméra et un tube d'instrumentation, on va soit suturer ces lésions méniscales, soit enlever ces languettes, donc liquides dans la situation, et régulariser le traitement. Sur le genou, soit latéral, par un pare-choc, par un accident sportif, par un coup de pied d'un footballeur, soit une chute d'un pied élevé, réception, soit sur le pied, sur le membre qui est droit, soit le membre qui est dévié, soit en valgus, soit en valgus. Donc l'attitude du pied lors de la chute, donc choc axial, va déterminer le type de fracture, que ce soit au niveau des deux poignets ou des deux plats. Mais en général, traumatisme en énergie, donc traumatisme violent, accident de la circulation, accident de la voie publique, accident domestique pour les sujets âgés. Douleur, impotence fonctionnelle et gros genou. Donc c'est ici comme un traumatisme du genou. Et avec impotence fonctionnelle, les complications connues. Donc on a la raideur articulaire, voire l'ankylose, parce qu'on a dit c'est une articulation importante. Toute lésion articulaire, donc tout trait de fracture qui passe dans l'articulation, qui fait qu'il y a une atteinte de. Du tissu cartilagineux va provoquer une. Si le patient ne sera pas opéré à temps, ne sera pas opéré correctement avec réduction anatomique, ne sera pas rééduqué à temps et de façon sérieuse, il y aura des adhérences, il y aura un calvicieux et le patient va voir son genou raide, voire ankylosé. Ankylose, il n'y a plus de mouvement. C'est un blocage articulaire. La bonne arthrose, c'est par destruction articulaire qui se voit rapidement en 2 ans. Le calvicieux, donc ça c'est pour les fractures en général extra-articulaires d'extrémité distale du fémur, donc qui consolide soit en varus, soit en valgus, soit avec un grossissement. Tout ça va provoquer des boiteries douloureuses et osteoarthrite s'il y a ouverture, surtout s'il y a donc ouverture cutanée et mise à nu des structures articulaires avec le milieu extérieur, donc risque d'arthrite qui va. Donc, il va provoquer par la suite la raideur, l'arthrose et l'ankylose. Les complications thromboembolisantes sont communes donc, à toute fracture des os longs du membre inférieur, que ce soit le fémur ou le tibia. Les complications vasculonerveuses, donc artère palpitée, hémorragie superficielle et nerfatique. Donc, on a dit la dernière fois que l'artère. Donc, fémorale superficielle va passer, devient palpitée et qui, avec des rapports anatomiques intimes avec le genou, donc toute fracture avec déplacement risque de léser cette artère et provoquer des dégâts graves s'ils sont omis, s'ils ne sont pas réparés avant, donc expose le patient à complication. Complications nerveuses pour les fractures des plates tibiaux avec déplacement, c'est le risque pour le nerf sciatique, donc c'est le SP en général, donc si je n'ai pas le péroné, si le péroné est là. Alors on a vu, c'est le nerf sciatico-pité externe qui vient cravater le col anatomique du péroné, il passe en arrière. Donc toute fracture du plateau externe avec déplacement risque de léser le nerf sciatique. Et la dystrophie, des complications dans l'ovulation. Le diagnostic. On va donc commencer par les fractures de rotule. Diagnostic. Donc diagnostic facile, on est confirmé par la radio. Gros genou douloureux, impossibilité d'étendre la jambe si les lésions transversales rencontrent l'appareil extensible. Parce que pour les fractures des rotules, il y a des fractures qui vont faire de rentrer l'appareil extenseur du genou. C'est les fractures transversale, et les fractures qui n'ont pas un zéro plan par extenseur, c'est une fracture parcellaire, et les fractures verticales. Donc, le quadriceps exerce toujours sa force de traction, et la rotule, donc elle exerce toujours sa force de traction aussi. Donc, il n'y a pas de rupture de l'appareil extenseur. Par contre, s'il y a une rupture transversale, ça va donc dépasser le foyer fracturaire, et la rotule n'exerce plus sa fonction. La rotule est primordiale. Pourquoi? C'est le sésamoïde, donc il va transmettre la force de traction quadriceps sur le tibia. D'accord? Elle va, le quadriceps il va tirer, mais avec ce virage, avec cette courbure, donc cette force sera donc renforcée, encore augmentée par le fait de la rotule. Joue le rôle du pouling par exemple. D'accord? Le quadriceps il tire, elle va transmettre cette force sur la TTR et fait qu'il y aura une extension du genou. Donc toute fracture transversale va rendre cet appareil extenseur, c'est grave, c'est une extension de genou. Donc gros genou douloureux, impossibilité d'étendre la jambe, lésion en regard de la rotule, vide ou dépression transversale entre les fragments et les déplacements, donc c'est une fracture des ailes. Donc si on parle de façon ici, il vient avec gros genou, et l'arthrose, on parle, on tombe dans une dépression transversale, donc on reconnaît déjà qu'il y a une fracture, donc rompons l'appareil extenseur du genou. Existence éventuelle de traits d'enfant, voire une commotion, ça se passe sur la radio, et les déplacements des fragments et pas des ailerons. Donc on a vu, lorsque les ailerons sont intacts, il y a une fracture. Les ailerons intacts, il n'y aura plus de déplacement. Par contre, s'ils sont rompus, donc, le quadriceps va tirer sur le fragment et va dépasser la fracture. Un appareil, fracture, donc interrompant la continuité de l'appareil extenseur du genou, fracture transversale, donc 25% des cas, fracture transversale avec refond d'un des deux fragments. Donc, fracture transversale, c'est fracture transversale avec refond d'un des deux fragments, soit fragment cristal, soit fragment proximal, c'est la plus fréquente, et fracture en étoile commutative, donc fracture qui peut diviser la rupture en plusieurs places. Il y a donc un cas particulier, c'est la fracture de la pointe. La rotule, donc, c'est le sésamoïde qui est recouvert à la face postérieure par du tissu cartilagineux qui va s'articuler avec la trachée. Donc, il a une base, deux bords latéraux et une pointe. Cette pointe, donc, dans l'insertion du tendon rotulien. Des fois, quand il y a un arrachement du tendon rotulien, donc, juste ici, donc, l'arrachement ici de la pointe, on peut dire que c'est extra-articulaire. Elle épargne la surface articulaire de la rotule. Mais, elle rend l'appareil extenseur. Donc, fracture extra-articulaire, pointe de la rotule. Les fractures interrompent la continuité donc l'appareil extenseur du genou, fracture interrompent la continuité. Bon, n'interrompent pas la continuité, c'est les fractures verticales, les fractures parcellaires, on en a vu un coin, supro-externe, supro-interne, d'accord. Et les fractures postérieures. Les fractures postérochondrales, en général, c'est des lésions cartilagineuses qui ne se voient pas à la radio. D'accord. Parce que si on voit la rotule de profil, comme ça, de profil. Ici, c'est le cartilage. S'il y a une lésion surchondrale, soit un détachement, soit un enfoncement, donc la radio peut ne pas montrer ces lésions. Mais ce sont des lésions graves, parce qu'elles touchent une surface articulaire, donc elles exposent aux complications arthrosiques et de rupture. Donc, fracture postérochondrale. Donc, fracture postérochondrale et fracture verticale qui vont interrompre l'appareil extenseur. Les complications évolutives, donc deux principales qu'il faut retenir, c'est la raideur articulaire et la prose précoce. Donc, raideur du genou, par adhérence intra-articulaire et absence de rééducation, et l'arthrose hémoro-patellaire précoce, donc source de douleur chronique par calvitieux ou bien chondrale. Des complications immédiates, comme si c'est une articulation donc, superficielle, pour qu'il y ait une fracture de rotule, donc il faut qu'il y ait un choc direct sur la rotule, en général on retrouve des lésions cutanées, abrasion, contusion, des fois même ouverture linéaire ou délabrée. Cette ouverture va exposer donc au risque d'installation d'une action, mais qui restera. Les complications qu'on compromet, les abus, et le débricolage du matériel sur sa synthèse. Parce que c'est une articulation non superficielle, si on met des broches recourbées avec une fil d'acier, donc risque de déplacement secondaire, risque qu'ils font ça à travers la peau, donc c'est des complications qu'on se voit. Le traitement, donc le but c'est de faire une réduction anatomique, une réduction avec une synthèse solide, autorisant une rééducation précoce. Le meilleur moyen de faire une osteosynthèse d'une fracture transversale d'habitude, c'est le manage. Le manage au bon. Qui permet de transformer les forces de traction, les forces de traction qui font qu'ils séparent les deux fragments. Ici le quadriceps qui tire, ici le tendon retourné. Pour transférer ces deux forces, il y a un dispositif, ce qu'on appelle le haut-bond. Qu'est-ce qu'on fait? On met deux broches parallèles, perpendiculaires aux deux fractures, puis on fait un cercle large en 8 avec du fil d'acier. Donc ici, on va recouvrir deux broches pour qu'il y ait une pénétration. Donc quand il y a une force de traction ici, par le biais de ce fil d'acier, il va transformer cette traction en force de compression, qui est favorable à la prospectation. C'est pour ça qu'on met un moment, on demande toujours au patient de toucher l'articulation. Donc c'est pas comme les autres sensibles là, au contraire, on demande de se contracter le quadriceps et de mouvoir le genou pour donc, transformer ces branches de traction en force de compression favorable à la prospectation. Par contre, s'il y a des lésions verticales, ou parcellaire, on peut faire des osteosynthèses par exemple lissage. D'accord. Une vis. D'accord. Un lissage. Des fois, quand il y a par exemple une fracture conjonctive, on étoile, on peut mettre quelques broches, mais on peut même faire deux rangs. On rajoute un cerclage avec du fil d'acier. Donc le fil d'acier va cravater tous ces os. Ce magma d'os va les agitiner pour qu'il y ait, après consolidation, une forme de repli. Des fois, quand c'est complètement détruit, parce que des fois, quand c'est sur l'articulation superficielle, des fois, risque d'ouverture, quand on ouvre, il y a des fragments déchiffrés qui sont perdus au lavage articulaire ou même lors du traumatisme, on a quelques fragments comme ça d'os qui sont inutiles, il n'y a pas de surface articulaire, on fait une pathélectomie. Donc, on va enlever cette rupture, ce fragment, et on va suturer le tendon. Donc, quand il s'y avec le tendon va bien. Donc, on va rajouter un dolor, mais faible, très faible. Parce qu'on a entendu que la rupture va augmenter la force de traction du quadriceps. Une fois enlevé, donc, la force d'extension de la jambe sera très faible. Monsieur, qu'est-ce qu'on va faire pour les lésions post-chondrales, les lésions chondrales? Est-ce qu'on va faire le retour à l'IRM ou quoi? En général, c'est la rééducation et l'hygiène de vie. On ne peut pas en rien faire. Parce que ce qu'on a, jusqu'à maintenant, on n'a pas trouvé de tissu qui va remplacer le cartilage. Donc en général, rebond jusqu'à consolidation, jusqu'à ce que ces fragments se collent l'un à l'autre. Rééducation pour éviter la raideur. Et l'hygiène de vie. Donc baisse du poids, éviter le sport pour moi, c'est tout. Donc, le traitement, le plus souvent donc, au banage. Le cerclage, le lissage, pas télécom et parcelle ou totale, quand il y a un fragment de la rupture avec la forceuse, rééducation précoce, la consolidation se fait en général en 6 semaines. Le traitement copie, il est rare, plâtre chiro-manuelaire, chiro-pédieux, voire une attelle, quand il y a une fracture non déplacée. D'accord? Pas de questions pour les fractures de rupture. Alors on va passer aux fractures, l'extrémité distale du fémur. On va tenter passer par les anatomiques. On a vu les points communs, donc gros genou, accident violent, le patient donc, sera admis en général, silence, sera en général accident de la voie publique ou accident de la circulation ou accident de bâtiment, chute de l'USB. Donc le patient sera reçu avec lésion associée, que ce soit thoracique, crânienne, donc état de choc, au genou et état de choc, rechercher des lésions vasculaire parce que toujours ce biseau, cette pointe, en cas de déplacement, risque de rompre. Donc, mise en condition du, passé, du genou, donc mobilisation par l'inter provisoire, et le patient sera accompagné à l'arrêt. Après, bien sûr, l'identification des troubles en avis masculins et des nerveux. S'il y a une paralysie, donc insensibilité de la pointe du dos du pied et de l'orteil, insensibilité de la pointe du pied, possibilité de bouger de l'orteil, on va signaler ça sur la fiche. Patient reçu avec paralysie sciatique interne, sciatique externe, avec par exemple imprenable. D'accord ? Il faut bien rechercher les signes de lésions vasculaires qui sont PPPP. Le patient de cou, pain, la douleur, palor, membre et paralysis. Et bien sûr, avec mon dans les fractures distales du fémur sont facilement subdivisées en fractures subcondylaires. Subcondylaires. Voici les deux conduites subcondylaires, elles sont en général extra-articulaires. Donc, elle n'est pas une articulation. Elle peut être simple, complexe avec troisième fragment ou communisée. Ce sont des fractures subcondylaires et dans la même distale, elles peuvent être simples, troisième fragment ou complexe. Les fractures unicondylaires, donc elle va toucher un seul conduit, que ce soit le conduit médial ou le conduit latéral, ce sont des fractures articulaires, parce que le trait passe dans l'articulation. Elles sont plus graves. Ce sont des fractures articulaires qui ne concernent qu'un seul conduit. Elle peut être médiale, latérale, type prélat, donc ici type prélat, ou postérieure, parce que le conduit est évasé en arrière. Elle peut détacher le conduit avec un trait vertical ou frontal, c'est type orphan. Les fractures bicondylaires, donc ici, elles concernent les deux conduits, avec un trait, ici un Y, un T, même un V. Donc si c'est simple, des fois avec une comminution métaphysaire ou une comminution métaphysaire épiphysaire. Ce sont très graves, difficiles à ramasser, difficiles à ordonner, exposent toujours à la lésion articulaire et aux calvitions. Bon, les points. Comme il se tape, les tâches de conduit du bloc le traitement, donc ces fractures. Donc, le diagnostic qu'on a vu, c'est facile, c'est confrontativement. Important fonctionnel, gros genou, des axations du membre, avec raccourcissement, radiographie qui est bien pour confirmer le diagnostic. Il faut rechercher un état de choc, lésion associée-osseuse, vasculaire. Nerveuse et cutanée. Le traitement est propre, il est rare, on ne s'est pas déplacé, surtout chez l'enfant, mais en général c'est chirurgical parce que, en général, c'est des traits, c'est des fractures particulières. Il faut se synthèse par glissage, on ne peut pas être là, ou les fractures ne peuvent pas être là, pas glisser dans la plaque, ou déroulé pour les lésions du condylaire. Ici, avec un déroulage, il va pouvoir être là. On est parti, par exemple, une condylaire, on peut mettre des vis. Ici, on va mettre une plaque ici. Oui. Je comprends la TDM pour voir le nombre de fragments et voir s'il y a un nombre constant. Et voir un nombre constant. On ne voit pas à la radio standard. Donc la TDM, le nombre de fragments. Le fragment est les fragments intra-articulaires libres. Le degré de tassement. Donc elle va nous permettre de voir aussi une image tridimensionnelle qui va nous faciliter le planning opératoire. La TDM en général, c'est une plus loin. Les fractures des plantes articulaires. Donc ce sont des fractures articulaires du genou, lésions élémentaires, trois lésions élémentaires qu'il faut retenir. Fracture de séparation, fracture de passement, fracture mixte. Fracture de passement, c'est la plus fréquente. Donc on a vu que c'est du suspongieux. Spongieux, les deux conduits sont durs, ils viennent s'enfoncer dans les deux plantes articulaires pour provoquer un enfoncement, un enfoncement du tissu spongieux. Donc, enfoncement de la surface articulaire, d'importance variable. Et par de séparation, donc, c'est un trait simple qui détache un fragment de la glène ou du cilien. Donc, détachant une partie plus ou moins importante de la surface articulaire par un trait vertical ou haut. Et les fractures mixtes, donc elles sont fréquentes aussi, donc association de tassement et de séparation. On peut retenir que dans le tibial, présente une bande, donc une bande sagittale, et le diophragme sont plus asymétriques. Celui du diophragme externe est plus évasé en dehors, donc plus exposé à partir de le diophragme médial. Mécanisme, donc, on a vu. Donc, il y a un choc axial, un choc axial avec du nivagant, choc axial avec du nivagant et choc latéral. Choc latéral. D'accord. Dans le choc latéral, là, comme ici par exemple, le pare-choc vient buter contre la face externe du genou. Qu'est-ce qui se passe? Il y a le ligament général, le ligament médial va résister quand il résiste. Mais il y a toujours une force qui pousse en dehors. Ce qu'on dit va s'enfoncer dans le plat. Mais en général, il y a un enfoncement, une fracture et en même temps une rupture ligamentaire. D'accord? Pas que placement, pas que séparation, pas que pièce. Compression latérale. Ici, donc détachant, pas que séparation, détachant le plateau externe. Ici, détachant le plateau externe. Ici, fracture, passement, donc le plateau externe. Ici, c'est mix. Tassement, séparation. Séparation. Ça, c'est pour le choc latéral. Boum. Donc, fracture par compression latérale, elle va provoquer des fractures unies, tuberositaires, externes ou internes. L'externe, elle est plus fréquente. Les fractures par compression axiale avec membre aligné, va provoquer une fracture bitubérositaire. Donc, le choc axial va se répartir sur les deux plateaux par le biais des fractures et va casser les deux plateaux tibiaux. D'accord ? Choc axial. Par contre, s'il y a un choc axial avec une composante en varus, donc cette force sera axée sur l'un des deux condyles et provoquer une fracture, ce qu'on appelle spino-tuberosité. Qu'est-ce que ça veut dire spino ? Renforcer les spines. Voici le. Ici, c'est les épines avec l'élément ligamentaire central, donc spino-tuberositaire. Donc, elles vont emporter une tuberosité plus le massif des épines. D'accord ? Donc, toute cette partie sera solidaire au fémur. Le reste de l'épiphyse et de la diaphyse sera déplacé à degrés variables : déplacement minime, déplacement. Moyen, des parties importantes avec des fois luxation du genou. Donc toute cette partie sera luxée avec lésion nerveuse et vasculaire grave. Donc spino-tuberositaire médiale ou spino-tuberositaire latérale. D'accord ? Puis on crée comme ça. Latérale. Elle va être détachée. Donc le plateau latéral. Le diagnostic des fractures des plateaux tibiaux est radiologique. Donc la radiologie, on a radio de face, de profil et des trois quarts, pour voir ce que des fois il y a des fractures postérieures. Il y a des taches sur une partie postérieure du plateau tibial. Donc on va faire des trois quarts pour les visualiser. L'enfoncement, des fois, quand il est central, quand il est excentré, en arrière, on ne peut pas le voir. Donc l'intérêt de faire une TDM. La TDM, par exemple, ici, on sait qu'il y a un enfoncement. Avec séparation, ici une séparation simple, mais pour quantifier ces placements, il y a des suppositions. Est-ce que ces placements commencent ici? Est-ce qu'ils commencent ici? Est-ce qu'ils commencent ici? Donc en général, la TBM va quantifier le degré d'enfoncement et préciser donc les traits associés. Donc cliché face et profil, et cliché de 3 quarts, la TBM précise le nombre de placements de traits et de quantifier le degré de déplacement. Le traitement général et chirurgical, osteosynthèse avec greffe osseuse, cilié en transport. On peut mettre aussi bien par séparation simple et la compression, soit une plaque, soit cilié en transport. On fait un relèvement, donc on va relever. Donc, quel enfoncement ? quand on ouvre Cassan, on va relever ce plafond, et en français, avec des traduits dans des instruments qui vont nous permettre de relever ce plafond. On va le relever. Quand on relève, comme c'est du sponge qui se passe, il y aura un vide. On va se retrouver avec un vide. On a relevé ce qui a été passé. Ce vide, il faut combler par une greffe osseuse, par une greffe osseuse, près du niveau de l'intestinal, ou par des substituts osseux. D'accord, des substituts osseux, comme ici, c'est du ciment ou de l'ostéopathie, qui viennent ici combler et faire une colonne qui protège un empansement secondaire. D'accord. Pour l'empansement, relève-t-on de greffe. Pour retenir ça. Pour le l'empansement, relève-t-on de greffe. Osteosynthèse, séparation, osteosynthèse simple. Sujet âgé en général, après stabilisation, il faut penser au remplacement de protection. Je vous remercie. Merci.